On va parler des Faucons Chantiers de Chipogamo avec notre ami Serge Bouchard. Les Faucons Chantiers de Chipogamo qui étaient ici même à Dolbeau-Missassigny la semaine passée. C'était un match important. Salut Serge! Serge, d'abord, on va parler du côté de l'équipe. Hier, on a eu une entrevue avec Steven Girard. Steven qui nous mentionnait que c'était un match du côté des Jaguars qui était important et la défaite fait en sorte qu'ils sont pratiquement éliminés. Du côté des Faucons Chantiers Chipogamo, ça veut dire également qu'on lutte encore pour les séries? Oui, tout à fait. On avait absolument besoin de cette victoire-là pour espérer atteindre la quatrième position. Présentement, on est en quatrième position. Je dirais égalité avec Odyssey, les Mustangs d'Odyssey Dominique Racine. Et le scénario veut que notre dernier match de saison régulière soit contre eux vendredi soir. Donc, pour nous, là, c'est un match qui a une très grande importance. OK. Est-ce que tu es confiant de l'emporter? Ben, confiant, je te dirais que oui, dans le sens que c'est une équipe de notre calibre. On sait très bien là, que dans la catégorie cadette cette année, on dit il y a comme deux calibres, là, je dirais les deux premières équipes étant plus fortes un peu tout le monde. La troisième, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Puis les 4, 5, 6 sont pas mal du même calibre. Donc, je me dis c'est un match accessible pour nous. C'est sûr qu'il va falloir limiter les erreurs. Le dernier match contre les Jaguars, on a fait quelques erreurs, on a échappé des ballons encore. Okay. Cette fois, ça nous a pas causé trop de problèmes, mais dans des matchs plus serrés, ça aurait pu faire mal. D'ailleurs, le match contre les Jaguars, à un moment donné, c'était 12-13-0, puis à la fin de la demi, on a tenté une passe et ils l'ont intercepté pour un retour de toucher. C'était quand même 13-6. C'était pas un match, je dirais, à sens unique, là, peut-être jusqu'à milieu du troisième quart, mais sinon, c'était encore une fois une équipe de notre calibre. Les choses ont voulu qu'à un moment donné, le vent tourne pour nous, mais on n'était pas là vraiment là plus fort que cette équipe-là. C'est juste que les choses ont mieux viré. OK, OK. Donc, on a bien hâte de voir ça. C'est un match important. C'est le match de l'année pour du côté des Faucons Chantiers Chipogamo. Si on y allait maintenant avec j'ai vu passer sur les médias sociaux qu'il y avait un jamboree à Tôme. Ça s'est déroulé la semaine passée. J'imagine que vous avez fait ça pourquoi en fait? Pour favoriser la relève du football? Ouais, c'est dans un contexte de développement. Ça fait, je me trompe pas, c'était la troisième année qu'il y avait les jamboree à Tôme. Jamboree Atom, c'est uniquement des secondaires 1. Ben, c'était uniquement des secondaires 1. Cette année, le RSEQ a permis que des secondaires 2 s'alignent lorsque dans une école, il n'y avait pas d'équipe cadette qui jouait. Je donne par exemple, cette année, il y avait l'école Jean Gauthier là, qui présentement n'ont pas de cadets. Donc, ils pouvaient aligner des secondaires 1 et des secondaires 2. Mais pour l'ensemble des autres équipes, là, ce n'était que des secondaires 1. On est 5 équipes présentement là, à faire partie de cette ligue, là, même si c'est pas une ligue. Là, c'est deux jamborees. Un qui s'est joué là, la même journée que notre match contre les Jaguars, là, donc le 18 octobre. Puis l'autre va se jouer le 1er novembre. Donc, c'est vraiment dans un contexte de développement. C'est un jamboree, pas d'unité spéciale, seulement des séquences offensives, défensives. C'est une initiation au football, je dirais, là, pour les jeunes de secondaire 1. Souvent, les jeunes de secondaire 1 dans le cadet, parce qu'ils sont admissibles au niveau cadet, là, c'est une règle de 36 mois, donc de secondaire 1 à secondaire 3, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, ou même pas du tout, étant donné leur manque d'expérience et leur gabarit, souvent beaucoup plus petit qu'un secondaire 3. Donc, ça lui permet d'avoir un peu d'être sur le terrain de football et de pouvoir apprendre tranquillement. Puis c'est vraiment là, de l'initiation, même si c'est sûr que, comme dans la Ligue cadette, tous les programmes ne sont pas égaux, dans le sens que il y en a qui ont des options football, des concentrations football, il y en a qui c'est juste en parascolaire. Okay. Mais comme tout, je pense que c'est quand même une expérience positive lorsque c'est bien fait. Là, ça donne une bonne aperçu à les jeunes là, de c'est quoi un match de football, puis ça les prépare à la saison du printemps là, dans la catégorie Benjamin qui se trouve être le secondaire 1. Okay, généralement, vous en gardez combien de ça? Ben, je te dirais que ça dépend des programmes, là, des écoles. Moi, ici à Chibiamo, j'ai pas le luxe d'en perdre, on fait jamais de coupure. Donc, je te donne un exemple, là, présentement, là, ben, de l'an passé, parce que là, cette année, je peux pas te dire, mais moi, le succès de mes programmes, de toute façon, comme tantôt on parlait d'accéder aux séries, je peux pas les évaluer avec la performance. On a-tu fait les séries, on a-tu gagné la finale et tout ça. Moi, c'est le nombre de jeunes qui revient l'année suivante. Parce qu'il faut toujours que je fasse attention à ça. Ça ne me donne rien de gagner la finale, faire jouer chez les meilleurs. Et puis l'année d'après, j'ai plus de football parce que il y en a plein qui ont. Donc, je te dirais que de l'an passé, des 22 que j'avais à Tôme, il y en est revenu 20 cette année dans mon. Ça fait que moi, c'est toujours dans ce sens-là. Cette année, j'ai 23 joueurs à Tôme. Jusqu'à présent, là, tout le monde est encore là. Deux petites blessures, là, des doigts cassés. Mais pour le reste, là, je veux dire, l'intérêt est encore là. C'est vraiment l'an prochain que je vais évaluer. Ben, au printemps, je vais évaluer si ceux qui ont joué à Tom à automne ont assez aimé ça pour continuer Benjamin. OK. Etc. Est-ce que vous avez pas mal d'inscriptions côté Atom cette année? Ben, moi, là, pour nous, là, je dirais que c'est une bonne année là, parce que. Il y a à peu près en secondaire 1, là, il y a 82 secondaire 1 dans mon école. Si on dit que c'est moitié gars, moitié filles, à peu près cette année, puis j'en ai 23 d'inscrits. Là. Ça veut dire que j'ai à peu près 23 sur 40. Je me retrouve tout le temps à peu près la moitié des gars dans l'école qui jouent au football. Sans ça, c'est certain qu'on ne pourrait pas avoir d'équipe de football là, si j'irais à 20, à 15, à 20 % des garçons de l'école. Okay. Ben Serge, on rappelle, c'est un match important, c'est vendredi soir. C'est à Chibougamau ou c'est à l'étranger? C'est à Chicoutimi, là, au terrain. Donc, est-ce que c'est un désavantage ou un avantage? C'est sûr qu'il n'y a pas de foule, il n'y a pas beaucoup de foule, là, c'est pas vraiment. Moi, je dirais qu'à ce niveau-là, là, quand on est sur un secondaire de jeu, c'est quasiment. C'est un avantage. Les jeunes, on doit partir à la quatrième période, donc ils vont à l'école. Okay. Ils vont aller au restaurant, le gros voyage. C'est plus un avantage, surtout que notre terrain présentement, ce matin, il neige beaucoup, il aurait été plein de neige. Non, je pense que c'est bien de jouer là, à l'extérieur dans ces conditions-là, là, présentement. OK. Ça, on s'en parle jeudi prochain avec la chronique des chantiers des Faucons Chantiers Chibougamau. Merci. Voilà, l'instructeur-chef des Faucons Chantiers Chibougamau, Serge.